Sainte Bible selon saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 37. Or Bézaléel fit aussi l'arche de bois de Sétim, ayant 2,5 coudées en longueur et 1,5 coudée en largeur. La hauteur aussi était 1,5 coudée. Et il la revêtit d'un or très pur au-dedans et au-dehors. Et il y fit une couronne d'or tout autour, jetant en fonte 4 anneaux d'or pour les 4 coins de l'arche, 2 à un côté et 2 à l'autre. Il fit aussi des leviers de bois de sétim qu'il revêtit d'or et qu'il passa dans les anneaux qui étaient aux côtés de l'arche, pour la porter. Il fit encore un propitiatoire, c'est-à-dire un oracle, d'or très pur, de 2,5 coudées en longueur et 1,5 coudée en largeur. Et aussi 2 chérubins d'un or ductile, qu'il posa des 2 côtés du propitiatoire. Un chérubin à la sommité d'un côté, et l'autre chérubin à la sommité de l'autre côté. Chacun des 2 chérubins a chacune des sommités du propitiatoire, étendant leur aile et couvrant le propitiatoire, et se regardant l'un l'autre et le propitiatoire. Il fit de plus la table de bois de Sétim, qui avait en longueur 2 coudées, en largeur 1 coudée, et en hauteur 1,5 coudée. Et il la revêtit d'un or très pur, et il y fit une bordure d'or tout autour, et à la bordure elle-même une couronne d'or de sculpture, à jour de 4 doigts, et au-dessus de celle-ci une autre couronne d'or. Il fondit aussi 4 anneaux d'or qu'il posa aux 4 côtés, un à chaque pied de la table, contre la couronne, et il y passa les leviers afin que la table pût être portée. Il fit aussi les leviers eux-mêmes de bois de sétim et il les revêtit d'or. Et de plus, les vases d'un or pur pour les divers usages de la table, les plats, les patères, les encensoirs et les tasses dans lesquelles doivent être offertes les libations. Il fit encore le chandelier ductile d'un or très pur. De sa tige sortaient les branches, les coupes, les pommes et les lis. 6 branches sortaient aux 2 côtés, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Il y avait 3 coupes en forme de noix à une branche, ainsi que des pommes et des lis, et 3 coupes en forme de noix à une autre branche, ainsi que des pommes et des lis. C'était le même travail pour les 6 branches qui sortaient de la tige du chandelier. Mais à la tige elle-même étaient 4 coupes en forme de noix, et des pommes à chacune, ainsi que des lis, et des pommes en 3 endroits sous les 2 branches, qui font ensemble 6 branches sortant d'une seule tige. Ainsi, et les pommes et les branches sortaient du chandelier lui-même, toutes ductiles et d'un or très pur. Il fit ensuite d'un or très pur les 7 lampes avec leurs mouchettes et les vases où doivent s'éteindre les lumignons. Le chandelier, avec tous ses vases, pesait 1 talent d'or. Il fit encore l'autel du parfum à brûler, de bois de sétim, lequel avait en carré 1 coudée et en hauteur 2. De ses angles sortaient les cornes. Et il le revêtit d'un or très pur, avec la grille, les parois et les cornes. Et il y fit une couronne tout autour, et 2 anneaux d'or sous la couronne à chaque côté, pour qu'on y passât des leviers et que l'autel pût être porté. Mais les leviers eux-mêmes, il les fit de bois de sétim et les couvrit de lames d'or. Il composa aussi l'huile pour les onctions de consécration, et le parfum à brûler composé d'aromates très purs, selon l'art d'un parfumeur. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.